Chapitre 4. De Laurent Bruand, le fin matelot, qui gagna tout l'or du monde avec un bouton de culotte. Je ne sais pas si Fanchette comptait m'embarrasser avec cette question-là, mais elle fut loin de compte. Je lui pris les deux mains et je dis « Aussi vrai que je suis un homme, Fanchette Le Goff, ma cousine, tu seras riche avec moi autant que la femme à Laurent Bruand. » Or, Papa Quimper avait commencé l'histoire qu'on lui avait demandée à l'autre bout de la table, et c'était justement l'histoire de Laurent Bruand, le fin matelot qui revint au bourg de Saint-Jagut avec tout l'or de l'univers. Si vous voulez savoir, en passant, une mignonne aventure de Bretagne et de marine, vous n'avez qu'à écouter, car Papa Quimper comptait mieux qu'un gabier, et c'est lui qui parle ici par ma voix. Il disait donc comme ça de même. Cric-crac, un sou de cognac, 100 francs d'armagnac, dame dans un hamac, la grêle dans ton sac, les Anglais ne savent pas rire. Vive Monsieur Surcouf, à bas le commissaire, c'est bon. Comme quoi, Laurent Bruand était natif originaire du bourg de Saint-Jagut-en-Mer, et le mur de sa maison soutenait l'église qui branlait par crainte des gendarmes et gabelous. Quel malheur! Son père était matelot, sa mère matelote. On le nourrit à téter un tuyau de pipe, rapport qu'il avait toutes ses dents de devant. La douane a mauvais cœur par caractère, et ça ne fait rien. Le voilà donc embarqué mousse-moussaillon de moussaille à bord du Pierre-et-Paul, sabots de lougre au cabotage, 40 tonneaux lourds comme un plomb de sonde, pleurant à la bouline et qu'il avait besoin de prendre le mort aux dents pour filer ses 3 malheureux nœuds. Voleur d'armateur, pas peur. Le capitaine était manchot de ses 10 doigts, 5 à chaque main. Le second avait la jaunisse verte. Le maître chantait la baragouinasse de Marseille par le nez, et les 2 matelots n'y voyaient chacun que de la moitié d'un œil. Et avec ça, chargé de quoi? J'entends le sabot? De sel à couler bas. De vieilles femmes pour passagères, que leurs dents leur castagnaient dans leur bec quand ventait frais. Riez-vous? C'est pas l'embarras, c'était cocasse. Un bâtiment de même, va bien, cric. La mer est longue pour sûr et large aussi, crac. Une fois, l'idée vint au capitaine de relever son poing pour s'amuser. Il prit sa hauteur avec un cercle de barrique et finit par calculer que le Pierre et Paul étaient bien quelque part par là, à droite ou à gauche du chemin qui mène ici ou ailleurs, farceur de sapeur. Alors, voilà un grain carabiné qui accoste par tribord, sans dire « excusez la compagnie ». Tout le monde était paré à ne rien faire, excepté Laurent Bruand, qui dormait à cheval sur la grand vergue, les mains dans ses poches. Tiens dur! Le sabot du loup eut donc la malice de couler à pic pour noyer les 2 vieilles pies. « Va t'en voir au fond de l'eau !» Ce fut l'occasion pour tout le monde d'avaler sa langue, excepté encore Laurent Bruand, qui tomba de sa vergue sur une cage à poules, où il s'imagina de faire un vœu. Il promit d'accrocher un tableau de couleur en peinture dans la chapelle Sainte-Anne à Saint-Jagut, s'il en échappait vif de cette fois. « Ça coûte cher, dites donc, on n'en a pas épais de tableau pour 2 ou 3 écus de 6 livres. » Et Laurent Bruand n'avait que sa pipe. Mais en perdition, le monde n'y regarde pas de si près, et la grande Sainte-Anne fait crédit assez aux matelots. Il ne faut pas disputer des goûts rapport à la boisson. Moi, je les préfère toutes. À la santé de Madame Quimper et la compagnie. Aussi, par la protection de Sainte-Anne, Laurent Bruand ne resta que 5 jours et 5 nuits sur sa cage à poules, ensuite de quoi il fut jeté à la côte parmi des roches et brisants que la lame y écumait comme pour faire la barbe au diable. Vous devinez bien que c'était une île déserte. Ça se voit du premier coup, pas vrai? Le commissaire de l'empereur des sauvages vint faire sa ronde avec ses argousins et trouva mon Laurent Bruand qui avait l'œil à l'envers. On le soigna, bien soigné à coups de pied, renfoncement et caresses de guichetier et, comme il y avait du temps qu'il n'avait mangé, il demanda du tabac pour sa pipe. « Je t'en souhaite !» Le commissaire le chargea sur le dos de ses argousins pour le mener à la cour, où il fut montré pour de l'argent à cause de sa couleur blanche, qui n'était pas celle du nègre usité dans le pays. « Si vous croyez que c'est tout là-bas, donnez un gage, car voilà le plus drôle. Y êtes-vous, l'empereur était un cannibale d'anthropophage et ogre qui se nourrissait de chair humaine toutefois et quand il en avait de bonnes occasions. Il fit allumer un joli feu de braise pour cuire mon Laurent Bruant à l'estouffade, avec oignons, poireaux, carottes, poivre, sel, muscade et le filet de vinaigre. Attrape à répondre à ma question que je vais vous faire. Il y en a-t-il un ici présent pour deviner comment Laurent Bruant se réchappa de là? Une, deux, trois, non! Par alors, c'est toujours mon tour de parole. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, Laurent Bruant s'en réchappa par un bouton de culotte, uni à l'adresse et au courage de n'avoir jamais froid au blanc des yeux. Attention partout! Laurent Bruant demanda donc la permission de parler à l'empereur avant d'être découpé dans la marmite, et il lui dit sans se fâcher. Les matelots de Saint-Jagut, d'où je viens, ne sont pas bons bouillis, savez-vous ça, sire? À votre place, je m'aimerais mieux à la broche. L'empereur pensa. Voilà tout de même un drôle de paroissien. C'est la première fois de ma vie qu'on me demande un emploi de rôti. Et il répondit. Accordé, mon camarade, est-ce tout? Pas encore, mon monarque, que Laurent fit, car je suis plus maigre qu'un coucou, et j'ai peur d'être un triste souper pour votre majesté, à qui je m'intéresse. Bien du contraire, si vous vouliez m'admettre à rançon, je vous ferai cadeau d'une chose, que tout votre trésor impérial n'est pas capable d'en payer la moitié. L'empereur haussa les épaules car on avait fouillé Laurent Bruant, qui n'avait ni sou ni maille. Cependant, le sauvage est curieux par son tempérament, et il avait envie de savoir. Il dit « Voyons, farceur de Cambuse, montre-nous voir ton cadeau. » Tout aussitôt, Laurent arracha le gros bouton de corne qui tenait la ceinture de sa culotte. L'empereur le prit et l'examina. Il ne le trouvait pas vilain, mais il demanda « Que diable veux-tu que j'en fasse, puisque je vas les jambes nues ?» Par quoi Laurent Bruant, au lieu de répondre, passa une allumette dans le pertuis qui était au milieu du bouton et s'étant approché d'une table, il le fit tourner comme une toupie. « Vous attendiez-vous à ça ?»« Ma fille, quand l'empereur et ses ministres virent que l'allumette et le bouton se tenaient en tournant, ils tombèrent tous la face contre terre autour de Laurent Bruant en disant leurs prières. » La reine voulut danser avec lui et l'embrasser sur les oreilles, ce qui est leur plaisir. À chaque fois que le tonton s'arrêtait, toute la cour pleurait en criant « Encore, encore !» dans la langue du pays. Mais Laurent Bruant, qui était un fin finot, commença à se faire prier. Alors on lui donna des éléphants, de la poudre d'or, des girafes, de la cannelle et 500 femmes à épouser en bloc à la mairie. La reine lui demanda même s'il voulait un ministre sur le plat pour son souper. Et à la suite de ça, il ne fit plus tourner son bouton de culotte que le dimanche. Quand l'empereur mourut, Laurent Bruant monta naturellement sur le trône. La traite des Noirs était permise en ce temps-là par le code civil. Laurent Bruant vendit tous ses sujets en bloc aux négociants de Parisis. Monsieur Surcouf lui en a acheté des tas, et pas cher, Robert. Avec le prix qu'il eut de son peuple, Laurent Bruant arma je ne sais combien de navires et s'en revint à Saint-Jagut en mer, où il tomba privoisé de la fille au serpent de la paroisse, qu'il épousa en 501e noce. Celle-là en eut, vous pensez bien, des mille et des cents, en veux-tu, en voilà, puisque tous les navires étaient chargés d'escarboucles, poudre d'or et clous de girofle, qu'on dit encore à 20 lieues à la ronde, riche comme la femme à Laurent Bruant. Mes colibris, ni, c'est fini. Les deux fleurs d'amour, les voilà. Madame Quimper pour son sexe et pour la marine, Monsieur Surcouf. J'ai-t-il gagné à boire? Il y eut une longue acclamation autour de la table et maman, attendrie, appela son petit homme pour l'embrasser. C'était bien la 20e fois que j'entendais l'histoire de Bruant. J'y croyais. Peut-être que j'y crois encore. En cachette, Jean Piteux ramassait des boutons pour le cas où sa destinée le conduirait chez l'empereur de l'île déserte. Moi, je ne ramassais rien. Ce n'était pas la peine. Tout ce qui était à Jean était à moi dans mon idée, et j'avais disposé de Jean lui-même sans perdre mon temps à prendre son avis. De ma propre autorité, je l'avais mis de moitié dans les rêves ambitieux caressés par mon imagination. Ce n'est pas que je me fisse la moindre illusion à son égard. Jean n'avait en lui rien de supérieur. Il ne pouvait rivaliser avec moi ni pour les agréments physiques, ni pour l'éclat de l'intelligence. Mais il possédait ces qualités vulgaires qui sont utiles dans le train-train de la vie. Il était laborieux, prudent, économe. On ne peut pas toujours voyager au triple galop. Il faut souffler de temps en temps. Et, quand on a mangé des ortolans toute une semaine, on retrouve la soupe aux choux avec plaisir. Dans l'association que j'avais signée tout seul pour Jean et pour moi, il représentait la soupe aux choux et le petit trot. Je l'acceptais pour domestique de confiance. Ce soir-là, en revenant au magasin, l'idée me prit de l'éprouver. Je lui demandai ce qu'il pensait, lui, Jean Piteux, de l'histoire de Laurent Bruant. Comme il ne parlait jamais à la légère, il se recueillit un instant et me fit cette réponse remarquable. « Je pense que, dans un pays pareil, on gagnerait gros à vendre de vraies toupies. Voilà l'homme !» il ajouta pourtant, « si on avait l'occasion d'y aller, et qu'on pourrait emporter des grelots, des sifflets et de la mauvaise eau-de-vie, ce serait de monter tout de suite une petite boutique en plein vent. Mais soyez tranquille, pour voir les choses de plus haut, j'étais là. Au moment précis où nous passions le seuil du bercail, Vavelli, qui faisait faction, nous partagea une demi-douzaine de taloches en disant « À la niche, caniche, vous sentez l'ivrogne. J'espère bien que vous n'aurez pas le front de crier à manger demain, de toute la journée, ni après-demain, goinfre de cancre. » Je glissai à l'oreille de Jean. « C'est elle qui enragera quand elle nous verra revenir de l'île déserte, bourrée de poudre d'or avec des escarboucles, en palanquins et des esclaves de tous les sexes qui auront des queues de perroquet bleu pour chasser nos puces. » Je suppose bien que Jean me crut fou, car il n'avait pas encore connaissance de mes projets. Nous eûmes chacun notre coup de pied avant d'entrer dans nos cercueils où nous attendait le sommeil de l'innocence.